l'État d'Israël et sa politique me trouvera devant lui. Les Juifs à côté d'eux. Les Juifs pour défendre leur spiritualité. Les sionistes qui acceptent sans maudire la politique de Sharon me trouveront devant eux.